l'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. After Job avec Francky, l'après-midi. Radio Arc-en-Ciel, 15h45, je prends un petit quart d'heure avant pour faire un petit clin d'œil à notre ami Michel qui aurait dû être à ma place là encore 15 minutes aujourd'hui. Voilà, c'est moi qui le relevais le lundi, il faisait 14h-16h, il faisait aussi le samedi puis le dimanche. Il était bien connu dans le monde de la FM, ouais, quelques millions d'années de radio derrière lui, des heures de radio. Un super bonhomme qui nous a quitté la semaine dernière, on va lui faire un hommage aujourd'hui. Ça c'est la musique que vous écoutiez dans son émission, des musiques comme ça qu'il aimait bien, voilà, qui le rendait heureux et joyeux. On voulait lui faire un petit hommage pendant une heure et demie, une spéciale dédicace pour notre ami Michel, tous les animateurs de la radio, tous les bénévoles se joignent à moi pour lui souhaiter plein de belles choses là-haut. On sait qu'il écoute l'émission en ce moment et ça nous fait plaisir. On aura peut-être son fils normalement au téléphone tout à l'heure. Et ça me fait aussi vraiment plaisir. Et puis des invités, il y aura Dominique Lagadec qui sera là, ancien animateur Radio 5, il y aura Benoît Billard qui sera là, la bande FM du Loiret, Iyad, le chanteur sera là aussi en direct. Et voilà, un petit clin d'œil, aujourd'hui une spéciale pour Michel. On verra là-dessus. Ça c'était ses musiques préférées. Salut la famille. Et puis plein de dédicaces. Si vous voulez nous appeler pour lui rendre hommage, eh bien 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. María, María, yo te

Diaconciel en direct, hein, bientôt 16h. Nos invités qui viennent d'arriver dans les studios, on va les accueillir juste avant Jean-Jacques Goldman qui arrive. On ira, eh bien on y va. Tillade qui est dans les studios, Dominique qui est là, Benoît Billard aussi qui est là, la bande FM du Loiret, ancien animateur de Radio 5, Dominique qui vient témoigner. On va les saluer juste après. Pour notre ami Michel et puis Tillade qui est là aussi. Jean-Jacques Goldman, Michel il adorait, ben voilà, on ira. Laissera nos clés, nos cartes et nos codes de prison pour nous retenir. Tous ces gens qu'on voit vivre comme s'ils ignorent qu'un jour il faudra mourir. Et qui se font surprendre au soir aux belles. On ira, on partira, toi et moi, nous, je sais pas. Il aurait pu la faire celle-là. T'aurais pu ? J'aurais pu. T'aurais pu la faire, on va vous accueillir. Un jour, on pensera à toi, là-haut, Michel. Et justement, ben voilà. C'était sa musique, ça, Michel. Enfin, ce style de musique, hein, il y en avait plusieurs. On va en parler. On va accueillir nos invités tout de suite. Je vais démarrer avec Titi, Tillade, qui est juste en face de moi, avec le micro rouge, comme ça, c'est de repère. Bonjour, Tillade. Salut Francky. Comment tu vas? Bien. Bah écoute, en cette période, ça fait plaisir de revenir ici, hein, de se voir. Ouais, ça fait du bien de faire de la radio. Eh oui. Et ouais. Oui. Alors on a pris des distanciations bien sûr dans les studios, hein, tout le monde est à un mètre. Hein, voilà, on a respecté les règles. On voulait des invités pour faire un petit clin d'œil. Alors Tia, c'était prévu. Michel, malheureusement, il nous a quittés la semaine dernière. Et oui. Et on est triste. Je vais présenter un ancien animateur radio qui est là. Il s'appelle Dominique. Je donne le nom aussi, la Gadec, comme ça, les gens qui te connaissent à Orléans. Dominique, on avait bossé ensemble. On s'est jamais croisé à la radio. Enfin, moi j'étais jeune, hein. J'avais 86, 80. Ouais, j'avais 15, 16 ans, quoi. J'allais en bus de Semtao à l'époque à la radio avec un gros sac de plein de vinyles. Radio 5 Orléans à Saint-Jean-de-Bray. J'y allais déjà en moto. Ah déjà, t'avais déjà le permis, moi j'avais pas, je me rappelle parce que la Semtao ça m'avait marqué parce que les tickets de bus dans les bus là c'était le clac clac, il y avait plein de copeaux par terre là, de tickets à l'époque. Hein. Et puis le sac de vinyle il pesait une tonne parce que c'était des imports qu'on achetait. On n'avait pas de clé USB à l'époque. Ah non, il n'y avait pas de clé. Hein. On s'est emballé avec mon pote Florian, on s'est emballé le sac de disques là, je peux dire, il pesait une tonne. Et puis c'est là que j'ai connu Michel, toi aussi Dominique, ancien animateur radio. Bah oui, j'avais une émission de country music et de rockabilly sur Radio 5. Ah ouais. Et l'émission se terminait à 22h. Et le directeur de la radio nous demandait de temps en temps de faire la nuit. Ouais. Et le dimanche matin, c'était Mimiche. Qui venait nous réveiller un petit peu, parce qu'on était après quelques heures de radio, on était un petit peu endormis. Ouais. Voilà. Réveiller avec la musette, attention, ça réveillait. Ils adoraient les gens, ils adorent toujours d'ailleurs. C'était génial. Ici, c'est vrai qu'à la radio, il avait son public, hein, notamment en pensant aux personnes qui sont dans les EHPAD, etc., qui écoutaient Michel, parce que moi j'avais des appels, il n'est pas venu à la radio pendant une semaine, et on m'appelait, il me dit, ouais, Michel, il n'est pas là. Je dis, si, il arrive. Et il se repose un petit peu. Puis, voilà, malheureusement, en tout cas, on pense très très fort à lui. On va passer aussi à un des premiers qui avait fait un article sur Michel, et franchement, merci. On l'accueille, Benoît Billard, la bande des femmes du Loiret, qui est dans les studios de la radio. Salut Benoît. Salut Francky. Merci pour cet article que t'as fait il y a quelques mois sur Michel. Un bel article que tout le monde a. Grâce à toi. Ouais, grâce à moi, grâce à tout le monde. Tu l'avais présenté, ouais. Il faut le mettre en valeur, Michel, quand même. Ouais, il mérite quand même une petite mise en valeur. 300 ans de radio, faut le mettre en valeur, l'ancien. Et c'est vrai que tu as fait un superbe article. Et, d'ailleurs, je comprends pas comment ça se fait que les grands journaux locaux, on va dire, ils ont pas fait de choses vraiment sur lui pendant toutes ces années. J'ai jamais vu l'article. Est-ce qu'il y a encore des grands journaux? Ouais, des petits, des grands, c'est pas. Là, ils ont fait un truc, là. Bon, parce qu'on leur a demandé un petit peu, c'est sympa, merci. Mais mec, quand même, il a 80 et quelques balais, il avait, hein, le Mimiche. Hein. Ouais, des bonnes anecdotes, hein, sur lui. T'en as peut-être, Dominique Lagadec, Radio 5 Orléans. Oh oui, oui. Des bonnes. Des bonnes. Moi, j'en ai plein à la radio ici, hein, parce qu'ici, là, c'est toutes les couleurs, Michel. Déjà, c'était son. Alors, c'est un monsieur fabuleux. Ah, il arrivait à la radio avec le sourire. Tout mais il avait aussi ce petit côté ronchon. Ah ouais. Ah comment qu'il ronchonnait. Puis je crois que à l'époque on était tout jeunes, lui il avait quand même un petit peu plus 40 et quelques balais, hein. Ouais, moi j'avais 16 ans. Ouais. Moi j'avais 20 piges, ouais. 22 ans j'avais. Ah t'es vieux. Ah oui, je suis à la retraite. Et je me rappelle, je crois qu'à la fin avec Philippe, avec Marc, avec les animateurs qui faisaient la nuit de temps en temps, je crois qu'on faisait des fois exprès d'y laisser un peu de fouillis dans les studios. Je crois que plus il ronchonnait, plus il aimait ça, et je crois que plus on aimait ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il est ronchon, Michel. Il est ronchon, mais il est malin. Attention. Ah oui. Qu'il est malin. Hein? Ah oui. Parce que fallait pas oublier une cassette. C'est à l'époque qu'on avait des cassettes pour les jeunes. Ils ont enlevé les cassettes, mais il avait encore des cassettes, hein, la radio. Et on oubliait une cassette, il nous la planquait. Ouais. Il nous la planquait. Il fallait attendre une semaine pour récupérer notre matériel. Ouais, c'est vrai. Alors c'est vrai que, filou. Moi, je l'ai connu, j'avais 16 ans. Bon, je l'apercevais aussi un petit peu le matin de bonne heure. Il venait avec ses disques de musette. Bon, pour moi, la musette, Mathilde, tu connais? Oui, Michel, oui. Tu l'as connu vaguement? T'as entendu parler de lui? Alors j'ai entendu parler de lui, bien sûr, depuis longtemps, mais j'ai dû l'apercevoir une ou deux fois sur Radio Arc-en-Ciel lors d'interviews. Oui, on s'est aperçu. Ouais. Mais je ne connaissais pas plus que ça. Ouais. Alors Michel, moi, je l'ai fréquenté, là, ça fait 5 ans que je suis là, pendant 5 ans. J'ai fait des extérieurs avec lui. Alors lui, en extérieur, c'est quelque chose, Michel. Mais en studio, ici, c'est quelque chose aussi, parce qu'il faut l'écouter. Hein, parce que lui, quand il y a un truc qui marche, lui, il fonctionne en CD, hein, Michel. Attention, il n'y a pas de. Lui, ici, là, tu parlais de cassette. Mais il était toujours en CD, on a deux platines CD, lui. La belle époque en même temps. Bah oui, la belle époque. C'était encore l'époque des CD, hein, c'est sûr. Et je peux dire, ils auraient pas enlevé le cassette, il aurait encore mis des cassettes, Michel. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Alors ce qui est rigolo, c'est que lui, tu savais tout ce qui se passait dans le studio. C'est le seul animateur en France. Si ça marchait pas, c'était en direct. Hein. Bon, il disait, hein, ça marche pas, j'attends un petit peu, je vais voir. Non mais sérieux, moi je l'écoutais avant de venir, hein, tu sais, avant de prendre l'émission. Alors, c'était les crises de rigolade, moi, dans ma voiture. Hein. Oui, c'était un spontané en fait. Ah ouais, mais lui, ça marchait pas. Bon bah, il disait, je sais pas si Francky va venir, on va voir. J'attends. Tu sais ce que ça me rappelle, Franck? Ça me rappelle, c'est les débuts de la FM. Ouais, bah, c'est ça. Bah, lui, c'était ça. Où tout était permis. Ouais. En restant quand même dans un juste milieu. On fumait, on buvait dans les studios. Où on pouvait dire, bah, ça marche pas. Ça. On pouvait dire, ça marche pas. Mais il disait, lui. Hein, c'était énorme. Hein, c'était grandiose. Quand il y a un disque qui restait bloqué ou le tiroir restait bloqué, il disait à l'antenne, bon, bah, on va passer à autre chose, hein, je sais pas, on va voir. On va régler le problème. Benoît Billard, le personnage, pas toi non plus, tu l'as pas forcément beaucoup connu, hein, je te l'avais présenté, mais tu en pensais quoi aux premiers abords, et puis même pour le monde de la FM? Un petit rancho, mais par contre, c'était une bible de la radio. Ah ouais, attention, il connaissait tout, le mec. Clair, il connaissait tout de... Ah ouais. De Radio 5 à RMF jusqu'à Arc-en-Ciel, oui. Ah ouais, il connaissait son sujet. Bah, il t'a apporté pas mal de renseignements, aussi, toi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, bon mec. Moi, hein. J'étais adolescent à l'époque, et le dimanche matin, quand je descendais pour le petit déjeuner, mes parents, fallait que je remette Radio 5 pour l'accordéon. Ah ouais, tu mettais carrément Radio 5. Ouais, mes parents, le dimanche à 8h, l'accordéon. Je savais pas à l'époque, c'était Michel qui était à l'antenne d'ailleurs. Ouais, ouais, sacré personnage. C'est après que j'ai fait le rapprochement. Ouais. Le dimanche matin, à la cuisine, c'était l'accordéon toute la matinée. Enfin, ça finissait vers 10h, je crois, son émission. Ouais, un truc comme ça, ouais. Mais après, c'était la variété française. Mmh. Je voulais saluer son fils aussi qui écoute la radio, Thierry, on le salue. Alors j'avais dit, on l'aurait au téléphone normalement, puis il m'a envoyé un petit message. Bon, il a pas trop la force, bon, il faut le comprendre, hein. Il m'a dit, je me sens pas trop la force de parler de Michel aujourd'hui, donc voilà, je comprends, hein. On respecte son choix, ami Mich. On peut saluer Florent Amigo. Ouais, Florent Amigo aussi qui a fait un petit hommage, c'était dimanche, je crois. Tout à fait. Ouais. Ouais. Il a mis un petit message, Florent Amigo, parce que j'ai des messages qui arrivent en même temps, tu vois, donc je fais comme Michel, hein. Ah, ça marche pas. Florent, bah appelle-nous Florent à la radio, 02 38 43 48 00. On va écouter un titre, si tu veux bien, tes titres que t'as ramené, Dominique. Ben, je sais pas. Tu m'as dit, ça va faire plaisir à Michel. Alors, dis-moi un titre, il y en a trois. Il y en a trois. Alors, on va commencer par bien sûr, de l'accordéon. Ouais. Mais bon, je suis un passionné de rock'n'roll, je suis un passionné de blues. Mmh. Et dans mes fonds de tiroir, j'ai trouvé un artiste qui est né en 1925, en Louisiane, Clifton Chenier, qui est un joueur de musicien de Zydeco, qui est une musique cadienne, créole. Mmh. Et c'est quand même été le premier joueur, Clifton Chenier, d'accordéon à faire du blues. Ah ouais, c'est un mélange, quoi. Un mélange. Et ben, je te propose, tu l'as, on va peut-être marcher le premier morceau qui est Bogalusa Boogie. Et ben voilà, on va démarrer avec ça, si tu veux bien. Bogalusa, c'est ça, hein? Bogalusa Boogie. Et ben, écoutez pour vos oreilles, et puis après, notre ami Tiad qui va nous parler de ça, sa belle carrière, et puis de l'avenir, et puis, il progresse. Voici du blues et de l'accordéon. We'll be right back. ça. Et ça bouge. C'est quoi, du rockabilly un peu, non, aussi, non? Ça avance. Non. C'est ce qu'on appelle du zydeco. D'accord. C'est un mélange de jazz, de blues et musique créole. Eh ben, on aime bien, hein. Tillon, il aime bien ça. Ça aime bien. Non, mais je découvre en même temps. Tu découvres, voilà, ouais. C'est vachement intéressant, on en discute avec sympatoche. Avec Dominique, c'est vachement bien. Et là, Dominique, tu dis que ça aurait plu à Michel ou ça plaisait à Michel, ouais. Je pense que ça aurait plu à Michel, ouais. ce style de musique. C'est quand même, il était quand même rock'n'roll aussi. Ouais. Il était rock'n'roll dans son style, dans le personnage qu'il était. Et pour un passionné d'accordéon, je pense que c'est comment les passionnés d'accordéon s'arrêtent pas à Yvette Horner, Aimable, et aux musettes. Aimable et son orchestre, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Parce que avant Michel, moi quand j'arrivais une demi-heure avant, je préparais un peu mon émission. J'ai découvert des titres hein, quand même. Hein, bon, attention, hein, des trucs de fou. Hein. Et puis c'était un sacré personnage parce qu'il invitait des gens, de temps en temps la radio le dimanche surtout, des gens qui venaient de loin, d'Avignon, etc. Hein. Ah ouais, ils rigolaient pas, hein, ils venaient, ils étaient 12 dans les studios. Hein. Ah, des orchestres complets lui hein. Ouais, comme tu disais, Aimable et son orchestre. Titi, on va parler de toi, du chanteur Tiad. Merci d'être notre invité aujourd'hui sur Radio Arc-en-Ciel. Bah, on verra à toi, on fera des petits coups de cœur sur Michel. Et Titi, alors comment que ça se passe le mode Covid toi qui es artiste qui fréquente pas malheureusement les scènes avec le public. Donc, tout le monde a envie. C'est disons que moi je me suis pas trop laissé envahir par le entre guillemets le désespoir du Covid parce que j'ai malheureusement pas mal d'amis artistes qui ont qui vont pas super bien, on va dire, voilà. J'ai essayé de rebondir, comme tu sais, au mois de mars, j'avais sorti un single pour les soignants. Ouais, pour les soignants, t'étais venu à la radio d'ailleurs. Ouais, voilà. Cet été, j'ai eu la chance de pouvoir tourner un petit peu, de faire quelques dates. Donc, ah oui? Du coup, ça va. Ouais. Dans le sud, bah oui, puisqu'on s'était même vu au Cap d'Agde. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Ah ouais, mais ça, c'était la bonne époque et encore. Oui, ouais, on s'est vu au Cap d'Agde. Cet été, hein, on a réussi. Avec quelle ambiance dans ce bar, là. Ouais, on a réussi. Il y a que le match de foot qui a un peu tout dit. C'était ça, exactement. En fait, je vous explique vite fait. Il y a Thiel qui était dans un bar au Cap d'Agde, enfin, à côté du Cap d'Agde, c'était juste à côté, on n'était pas loin. Et ils avaient mis le match de foot et le concert Tiad et puis Magali en même temps. T'imagines le bordel là-dedans. Hein. C'était un peu le bazar, ouais. Mais bon, ouais. On a quand même réussi à faire des dates sympas cet été. Mmh. Et puis depuis, septembre, ça a été un peu plus calme. Et puis j'ai rebondi sur d'autres projets aussi, sur des concerts en streaming, sur des choses comme ça en fait. Ça va. Il y a des gens qui suivent, qui regardent quand même. Ils sont motivés. Ils ont envie de sortir. De ouais. Être alors là. Là, on avait proposé justement avec Magali. Magali, on avait fait un concert pour en streaming pour un EHPAD en fait qui était retransmis en duplex. Ah ouais, c'est bien ça. On a fait ça il y a un mois et demi et puis moi j'ai fait un concert anniversaire avec les musiciens d'une émission de télé justement. On a organisé un concert là il y a deux semaines qui est paru vendredi dernier en fait sur les réseaux aussi. Donc ça c'est pareil, ça a pas mal plu quoi. Ça a bien plu. Tu écris encore, tu motivé toujours. Oui, j'écris de toute façon l'écriture bien sûr quoi. Et puis on attend. Cette année, on n'a pas pu non plus faire le spectacle du cirque de Noël avec Alexis Grus. Ouais, on le salue Alexis Grus, le cirque. Ouais. Eh ben oui. Ah, tu bosses là-haut aussi. Ouais, bien sûr, ouais, ça nous manque. Monsieur aussi, Loyal. C'est ça. Et bien, il est là. Voilà, c'est lui. Ça nous manque aussi. Donc voilà, tout ça. On espère que cette année, ça va pouvoir redémarrer. Et puis, on attend. Comme tout le monde, on attend. Quoi, voilà. C'est l'attente. C'est long, mais. C'est très long. On perd pas pied et on perd pas espoir surtout, quoi. On va écouter un titre de toi, si tu veux, qui s'appelle Avec plaisir. Être moi. Alors, on peut en parler vite fait, rapide, le titre Être moi, c'est quoi? C'est sur ta vie, Oui, c'est une chanson que j'ai sortie il y a un petit moment déjà, qui retrace un peu le ressenti que j'avais au moment où j'ai sorti de cette chanson, de ma vie, de ma carrière, de mes remises en question, de plein de choses en fait quoi. Le Covid, il rend en question dans la chanson. Non, c'était avant, mais quelque part, ouais, on pourrait presque assimiler ça à ça. Mais oui, effectivement, oui, il y a une partie de le Covid est tombé pile poil après cette chanson. Et bah voilà, c'est un petit peu anecdotique. Et bien pile poil, il arrive sur Radio Arc-en-Ciel. Voici Tiad. Avant le prix du bonheur, je m'y retrouve encore une fois, sans en franchir le dernier pas. Le rideau s'ouvre, je suis à nu, chanteur interprète inconnu. Devant vous, je vis mon destin. Jamais la ligne blanche ou le faire trop pendant des heures. J'essaierai d'être à la hauteur, d'être moi. Le casque à fond, je kiffe mon titi. Merci Frankie. Oh là là. Eh, franchement, j'ai. Non, mais ouais, Dominique, tu as la parole, hein, tout est ouvert. C'est pas du rock'n'roll, mais c'est vachement bon ce qu'il fait. Avant de parler du titre, si vous voulez, les amis, j'ai une auditrice, je sais pas comment elle s'appelle, elle vient de m'appeler, qui est une auditrice de Michel. Comment ? Bonjour madame. Marie-Jeanne. Salut Marie-Jeanne, bonjour. Bonjour. Bonjour. Tu voulais faire un petit message pour Michel qui nous a quitté la semaine dernière. Alors tu étais à moitié au courant, c'est ce que tu me disais. Tu l'as appris aujourd'hui, Marie-Jeanne? Non, j'ai appelé il y a 2 semaines parce que je m'inquiétais de pas entendre ses émissions et ouais. On m'a dit qu'il allait revenir bientôt. Oui, oui. Bah c'est moi que t'avais eu au téléphone, hein, Marie-Jeanne. Hein. J'avais dit ouais Michel, bah à la base il revenait, hein, voilà. Et tu... Alors, et puis moi, j'ai trouvé ça bizarre. Week-end dernier, rien. Là, ce week-end, rien. Voilà. Et puis là, je vous entendais parler de lui un peu au passé. Alors bon, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on fait une émission. Bon, j'ai téléphoné plusieurs fois pour des dédicaces à Bissacléry-Saint-André. Ouais. Et c'était un homme charmant. C'est vrai que j'étais toujours un petit mot pour rire, tout. Toujours, hein. Est-ce qu'il était un peu dragueur, Michel? Est-ce qu'il était un peu dragueur, Michel? Bah, écoutez, personnellement, j'en sais rien. Non, mais il aurait pu vous taquiner un peu pendant ses émissions, parce que je sais qu'il aimait taquiner les auditrices et auditeurs. Il aurait pu. Oui. Ouais, il aurait pu. Il aurait pu, Marie-Jeanne. Oui. Bon, si vous aviez un petit message, il y a son fils qui nous écoute, Thierry, on le salue au passage. Bonjour Thierry. Si vous aviez un petit message pour Michel aujourd'hui, ça serait quoi? Écoutez, déjà, m'adresser à sa famille, sa femme, ses enfants, leur adresser toutes mes condoléances. Mmh. Et puis, je vous dis, écoutez, c'était un homme charmant. Ses émissions étaient très belles. Même des fois, au moment du 11 novembre, tout ça, il racontait des anecdotes, ouais. Même des histoires, hein, sur la guerre et tout. Ouais, parce que Michel a connu la guerre d'Algérie. Ouais, c'est vrai, voilà, c'est ça. Il me racontait. Oui, mais c'est vrai, quand il y avait un événement où je voyais, j'entendais même des fois, vous savez, s'il y a un chanteur qui décédait, tout de suite, il passait quand même des chansons de ce chanteur qu'on n'entend pas sur quoi d'autres radios. C'est vrai. Ah oui, ça c'est sûr. Il n'y aura pas d'autres radios qui vont les jouer. Ça c'est sûr. Non, mais c'est collecteur, Michel. Vraiment charmant. Je vais le regretter, franchement. Voilà. Eh bien, merci Marie-Jeanne, pardon, du témoignage pour Michel. Voilà, un petit clin d'œil, voilà. Ça fait plaisir. Vous êtes Francky ? Je suis Francky de la radio. Voilà, c'est moi. Voilà. Ben oui, ben oui. C'est moi qui le relève. Vous écoutez alors. C'est moi qui le relève à chaque fois, le Michel. Ouais, le lundi. Oui. Merci Marie-Jeanne. Passez une bonne fin d'après-midi. Bien, écoutez, bonne continuation. Mmh. On pensera bien fort à lui. Ouais. Au revoir Marie-Jeanne. Allez, je vous embrasse. Bonsoir. Nous aussi, on t'embrasse. Émouvant quand même le témoignage, les gars, là. Hein, très, hein. Ouais, comme quoi il avait un audimat aussi, Michel, hein, un audimat un peu bon. C'est pas l'audimat de Francky ou de Fabien ou de je sais pas, mais voilà. Mais il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. Et puis lui, il cartonnait dans les EHPAD. Hein, moi, des gens qui me disent ah j'écoute Michel dimanche matin, ça fait du bien parce que ces gens-là, ils veulent se rappeler les souvenirs d'avant. Parce que Michel, comme je vous le disais, il a connu la guerre d'Algérie, Michel. Et puis alors quand il me racontait ses histoires, il m'avait pour 3 heures, hein, le temps que j'aille aux toilettes et que je reviens, il parlait encore. Hein. Non, c'est un super mec. Benoît, alors comment, avant de revenir sur le titre de Tillad, comment se porte la bande FM du Loiret? Alors toi, on va rappeler aux auditeurs, collectionneur, alors, mais un fou de radio, un fan, hein, t'as je sais pas combien d'autocollants, combien d'affiches, etc., etc. Et ça fait plaisir parce que des gens comme toi font renaître des radios qui n'existent plus, malheureusement, qu'on cartonnait. Hein. Ouais. Combien de collections, à peu près, à vue d'œil? À 10 000 entre les autocollants puis les publicités, ouais, je suis à 10 000. Je vais pas savoir des 10 000. C'est un truc de fou de voir ça, Tillad. Hein. Ils collectionnent tout. Hein, faut vraiment être passionné. Tu as les autocollants de Radio 5? J'en ai, malheureusement, pas en double. J'ai regardé ce week-end si je pouvais vous en offrir. C'est dommage. J'en ai pas, mais je vais me mettre dessus. Et moi, je suis dégoûté parce que je me souviens, et là, c'est dans mon image, quand j'étais j'avais 16 ans, j'étais au lycée encore, hein, et j'avais un sac US, là, vous savez, les sacs US, mm-hmm. Et les autocollants Radio 5, c'était des longs jaunes, moi, que j'avais. J'en avais plein, et je les collais tous sur mes sacs US. J'en avais, je sais pas, moi, 150, 200, et je les donnais à mes potes là-haut, et je les collais sur mes sacs US, et j'en ai jamais retrouvé, c'est dommage. Mais bon, garde-les ceux-là, ils sont vraiment collecteurs. Hein. Alors, Tillad, être moi, ce titre écrit pas pour toi personnellement, mais pour un public, un autre public peut-être. Oui, c'était plus une chanson pour refléter en fait un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment où c'était un moment un peu charnière où il s'était passé des choses artistiquement et puis j'étais revenu à une période où il se passait plus grand chose et ça m'a permis aussi de rebondir quelque part, voilà, d'écrire, ça permet aussi d'avancer et d'exulter un peu aussi le fait que par moment dans une vie artistique on a des hauts et puis on a des bas et voilà. Ouais. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'être artiste aujourd'hui même avant le Covid, hein, est-ce que la musique ça marche toujours, ça marchera toujours? Alors, est-ce que des plateformes n'ont pas pris le dessus, téléchargement illégal, je dirais, la musique marchera toujours. Après c'est vrai qu'aujourd'hui les artistes sont vite propulsés à des niveaux où on va tout de suite très vite leur mettre coller quelque part un disque d'or ou un disque de diamant, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai vu un coup de gueule il y a pas très très longtemps de Matt Pokora justement qui disait ça fait des années qu'il est sur scène lui, hein. Et oui, mais il a complètement raison, c'est-à-dire que avant pour être disque d'or on vendait fallait vendre 500 000 quoi. Maintenant le problème c'est que on est confronté à ce qu'on appelle le streaming et c'est pas du tout la même chose qu'une vente physique en fait, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un peu d'injustice je trouve par rapport à ça dans la musique. Après la musique ça restera toujours c'est quelque chose qui est dans l'inconscient collectif. On a tous besoin de musique, on a tous chanté dans notre vie même si on n'est pas chanteur. Je chante sous la douche, c'est à la fois humain et c'est à la fois aussi thérapeutique la musique, c'est-à-dire c'est un exultoire quelque part. C'est un exultoire thérapeutique la musique. On va faire un petit ping pong si vous voulez bien. Vous savez, je parle de Michel, je parle de Tillad, je parle de vous qui êtes venu nous voir pour faire un petit clin d'œil à notre ami Michel. On a eu une auditrice là justement, une fan de Michel qui comprenait pas pourquoi il était plus là, voilà. Malheureusement, mais Dominique qui est venu nous voir. Dominique, ancien animateur radio, hein, Radio 5 Orléans à l'époque. Bon, il y a combien, 30 ans, non? Oh oui. Encore une petite anecdote avec Michel. T'en as une petite qui traîne, hein, Michel, qui était blagueur aussi, hein. Ouais, je sais qu'il écoutait de temps en temps mes émissions de rock'n'roll, rockabilly. Ah ouais, les gars, c'était piqué, hein. Non, puis ce qu'il y a, c'est que à l'époque, sur cette fameuse FM pirate. Ouais, c'était un peu ça, ouais. C'était la libre antenne, hein. La libre antenne. Ouais. Et on écoutait. Ouais, la présidente qui vient d'arriver, elle va prendre l'antenne après, elle va faire un petit mot pour Michel, elle vient juste d'arriver, je viens de la croiser dans les studios, là. c'était un fantôme. Et non. on écoutait quand même tous les émissions des uns des autres. Il y avait pas de sectarisme. Et il y avait un truc qu'il aimait pas, je crois. C'était quoi? C'est ce que je faisais, c'est well. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dominique avec vous jusqu'à 22h. Ah, c'était DJ, ça. Et quand je lançais mon émission comme ça, je sais que ça était jaloux. Non, ça l'agaçait, il aimait pas. Et c'était ce côté ronchon. Fallait qu'il ronchonne sur un truc. C'est vrai qu'il ronchonne. Fallait qu'il ronchonne sur un truc. Voilà, après, il y avait les trucs où... je me rappelle si je faisais avec Alex. Alex, l'animateur Alex, c'est son nom, c'était Philippe Dorien. Que j'ai retrouvé grâce à Benoît, en plus. Que j'ai retrouvé grâce à la bande FM du Loiret. Et j'ai un souvenir. C'était un après-midi. Pascal Thauvin, le directeur, était là. Ouais, c'est vrai, Thauvin. Ouais. Rappelle, c'est vieux, ça. Hein. C'est vieux. Et il voulait pas que l'après-midi, je passe du rock'n'roll. Et à chaque fois, je leur faisais un truc, et ça, alors Michel, il regardait ma playlist, il dit non, tu vas encore penser du rock'n'roll. Et je passais comme dans un bon vieux rock'n'roll de William Scheller. Ah ouais. Ça n'a rien du tout de rock'n'roll. C'est vraiment un grand morceau de musique, de chansons françaises. Ouais. En plus, Scheller qui est dans la région, qui habite dans la région. Ouais, dans le Loir-et-Cher, je crois par là. Ouais, dans le Loir-et-Cher. Ouais. Et ça l'agace. C'est pas que ça l'agace, mais fallait qu'il ronchonne. Qu'il ronchonne. Ah bah ici il ronchonne, hein. Ici il ronchonnait souvent. Hein. Ouais. Mais ça a été. Bon, je sais pas. Ça a été des grands moments quand même. Ça fait partie de mes grands moments de radio. Des gens que j'ai connus, que j'ai appréciés, que j'ai détestés, que j'ai réappréciés derrière. Ah des fois Michel il m'énervait. Hein, des fois. Ah, moi je le cache pas. Hein. Des fois il m'énervait parce qu'il touchait à tout là-dedans. Non mais à tout, c'était jamais lui. Alors c'était son côté sympathique aussi. Mais c'était le personnage aussi, c'était le personnage. Il y a la présidente de la radio qui va prendre la parole après, hein, Christine. On va remettre un petit peu de musique. Je vais vous la présenter en même temps, Tiad, Dominique et puis la bande FM du Loiret. On va s'écouter un titre que Michel aurait aimé, ou aimait bien. Tu me dis, c'est... vas-y. On va être dans la détente. Là. Ah vas-y, ouais, ça va faire du bien. Tu mets le troisième morceau, le dernier des Mohicans. Ah ouais. Qui est un... Bon, il y a la bande-son d'un film exceptionnel. D'Indien. Et là, c'est joué par Dominique Rivière, un multi-instrumentaliste français, et il joue avec à l'accordéon celtique. Ah ouais, ok. Et écoutez bien, pour les passionnés d'accordéon, à un moment, on a l'impression que dans l'accordéon sort le son de la cornemuse. Eh ben, on y va, c'est parti. Et Michel aurait apprécié ce morceau, quoi. Ah, je pense. Avec le Radio 5. Et puis, ça restait quand même le dernier des Mohicans aussi. The Last of the Mohicans, voici du son pour vous de côté de la radio. Thank you. envie d'applaudir. On peut applaudir dans les studios. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. La voix officielle, c'est Pascal, et puis on accueille Madame la Présidente de la Radio Arc-en-Ciel. Bonjour Christine. Bonjour à vous tous. Bon, faites pas de conneries les gars, hein. Voilà, c'est pas des trucs bizarres. Surtout que c'est pas du tout prévu, je suis venue en sous-marin, T'as dit, il y a du monde à la radio. Alors, exceptionnellement, on fait un petit peu de monde parce que, bah, voilà, on voulait faire un petit clin d'œil à Michel. Donc, Dominique, ancien animateur radio 5. Mmh. Et puis, la bande FM du Loiret qui a été le premier à faire un article sur Michel. Et puis, bah, Diad, qui était extra. Et puis, Diad, bah, qui était prévu initialement, là, en invité, voilà. Christine, toi, bon, des anecdotes, je suppose que t'en as plein parce que tu l'as engueulé plus d'une fois, Michel. C'est pas l'engueuler parce qu'en plus, je pense que. C'est vrai, comme un gamin, hein, un peu. Comme un gamin, mais il aimait qu'on s'occupe de lui. Ah, aimait se faire reconnaître pour que justement je lui dise quelque chose. C'était limite comme un gamin, effectivement, je vais faire la bêtise pour qu'elle me voie, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est effectivement, c'était encore samedi dernier. Il m'appelle, il me dit je vais pas bien. Et je lui ai juste dit Michel, arrête, s'il te plaît, sois sérieux parce qu'en ce moment, voilà, le Covid nous empêche d'en rire. Il dit, mais je rigole pas, je t'assure, je suis pas bien. Je dis, Michel, joue pas, bon sang. Ouais, ouais. Alors, j'ai dit, t'as été chez le médecin? Et il me dit, non. Il m'a dit un gros mot interdit à l'antenne, hein. Ouais, ouais. Il me dit, il veut plus me voir, c'est un vieux, puis voilà, quoi. J'ai dit, Michel, tu restes pas comme ça, tu vas voir un médecin. Bah, si tu veux, occupe-toi. Effectivement, c'est moi qui ai appelé à l'ARS. Ouais. Pour lui, un médecin est passé et il me dit, bon, ça va, celui-là, il était jeune, il était cool. Hein. Il voulait un médecin jeune, quoi. Et puis, c'est vrai que au départ, je m'en suis voulu parce que, bon, oui et non, parce que j'ai poussé un petit peu pour qu'il aille chez le médecin, j'ai poussé pour qu'il ait ses médicaments. À 17h, ma mère poule l'a encore appelé, je l'ai appelé à 17h, je lui ai dit, c'est bon. Il dit, oui, c'est bon, arrête. J'ai pris mes médocs, je vais bien, je respire mieux. Et puis, bah, voilà, mercredi matin, j'ai appelé tout simplement pour avoir des nouvelles, vu que toi, en plus, tu m'as donné l'alerte. Ouais, parce qu'on m'a informé, parce que moi, j'ai mon voisin, enfin, j'ai un voisin, un ami qui est voisin de lui, de Michel, qui m'a dit, c'est pas ton ami à la radio, je crois qu'il y a un problème, parce qu'il y avait les pompiers et le SAMU chez lui. Ouais, ça commençait à m'interpeller un petit peu, quoi. Voilà. Et c'est vrai que quand on prend des nouvelles et quelqu'un d'autre répond au téléphone. Ça fout les boules. Ouais. Voilà. Mais il nous a marqué, il nous faisait marrer. Bon, moi, Moi, je l'engueulais plus d'une fois. Et quand j'arrivais ici, qu'il me faisait des grands signes de la main, comme il me disait, il n'y a plus rien qui marche. Bon, déjà, là, j'étais énervé. Mais, je l'engueulais, hein. Je le cache pas. La dernière, la plus rigolote, c'est, je l'appelle et puis je lui fais, Michel, ça va, tout va bien? Il dit de la merde. Oh, pardon. Ouais, non, mais c'est ça qu'il dit. Rien ne marche. Ouais. Et je dis, Michel, arrête, bon sang, je vois bien que tout marche. Et puis il dit, ouais, mais j'ai caché ta caméra, tu verras même pas que je t'ai tout flingué. Ouais. Je dis, Michel, bon sang, c'est du matériel. Il dit, oh, allez, c'est bon, on peut plus rire. Ouais. Voilà. Et c'est vrai, bah, il était pas venu pendant deux lundis, puis alors il m'appelait. À chaque fois, il m'appelait, il me disait, bon, bah, je viens pas, mais ça va, Francky, t'es en forme. Ouais, t'inquiète pas, ça va aller. Bon, bah, la semaine prochaine, je serai là. Et bah, la semaine d'après, c'était aujourd'hui, tu vois. Voilà, quoi. Bah, ça fait triste. Sinon, bon, pour être plus joyeux, on va dire, une belle anecdote peut-être qui te vient à l'esprit, parce qu'avec lui, il y en avait un paquet, hein. Ah, c'était les blagues. C'était le dimanche, il y avait deux émissions, donc il y avait le téléphone sonne le matin, où il y a Jérôme et puis Lionel, nos animateurs du dimanche matin. Et à chaque fois, je disais, ne dépassez pas l'heure ou ayez ces 30 minutes de battement pour ne pas vous croiser. Il y a le Covid, nettoyer, désinfecter. Et puis lui, bah, il prenait son temps. Il prenait pas sa demi-heure, mais il venait dire sa blagounette pour que tout le monde l'entende sur l'émission des autres. Extra. Et moi, je l'ai vu, il était un peu dragueur parce que moi, j'invitais filles. Oui. Quand j'avais des filles en invité, il était présent. Ah, la dernière qui est passée, c'est Sonia Alves, une portugaise. Voilà. Elle est passée, bah, il est resté un petit moment dans le studio avec elle quand elle m'a discuté, à vouloir prendre l'antenne et tout. C'est pour ça que j'ai jamais vu. Il voulait que des grossesses, Michel. Non, des bons souvenirs. Tout à fait. Mais moi, je vois. Tu vois, on voit là quand on arrive, on monte les marches et puis quand je le voyais, moi il me faisait des signes comme ça. Ça voulait dire, plus rien qui marche. Alors déjà, t'as l'impression que l'avion il va s'écrouler, quoi, qu'il n'y a plus rien. Déjà dans ma tête, je me préparais parce qu'il me disait, il n'y a plus rien. Vraiment plus rien. Mais le pire, c'est que je suis la dernière à partir parce que mon émission est le samedi. Ouais. Et je laisse tout calé. Souvent, je prenais des photos. Je laissais tout nickel. Et il arrivait. Allô? C'est pour te dire, bah, rien ne marche. Michel vient de partir. Et à chaque fois, c'était lui. Ça fonctionne. Il y a une caméra derrière toi. Ah non, non, même la caméra. Hein. C'est même pas la peine. Hein. Ah, sacré bonhomme. Sacré bonhomme. J'adore. Il va nous manquer. Ouais. C'était un très bon animateur. Et puis alors, des invités de marque, parce que... Ah oui, il a eu du monde hein, dans ses émissions. C'est ce que je disais suite à comment dire... je me suis permise d'ailleurs que l'article d'Avant des Femmes passe sur La République du Centre. Et c'est ce que j'ai dit sur La République du Centre. C'est vrai que c'est un homme d'un âge mûr, mais il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y a tout juste un an, le Covid est arrivé, mais il y a juste un an, il avait des invités. Et que ce soit, comme il disait, que ce soit quelqu'un qui vienne du Nord, du Sud, de toute façon, t'as intérêt à me nettoyer le studio pour que ça soit propre. Bah ouais. Une année, c'était « J'ai des Corses qui arrivent, j'ai intérêt à ce que ce soit nickel. » Je dis « Oui, Michel, je vais te faire ça bien. » Ouais, non, il était drôle. Bon, par contre, il mettait du temps pour sortir du studio. Moi, j'arrivais le lundi, je peux te dire qu'il mettait facilement une demi-heure. Francky, hein. On se donne rendez-vous dans quelques années vas faire à 86 ans. Je critique pas, j'avais le temps d'aller trois fois au chalet, je pense, boire 4 cafés. Hein. Je pense qu'on sera pas en meilleur état. Je ferai un article. Non mais je vais vous faire Michel. Et je pense qu'on se suit tous, donc ça va être mignon. Ouais, c'est vrai. Et moi je veux dire, il me regardait, il me dit, j'étais en face, hein, j'attendais mon tour, et puis il dit bon bah on va retrouver, je sais plus comment ça s'appelle, il disait l'after job, l'after work, je sais plus. Bon bah il arrive, il est là, c'est bon. Hein. Et il rigolo. Merci Christine, présidente Merci de la radio, du témoignage. Benoît qui lève la main comme à l'école, vas-y Benoît. Ouais, j'ai aussi eu un hommage de Vague FM sur Vague FM, de Michel, ouais. Patrice Simard qui a laissé un mot. Ouais. Comme quoi Michel était souvent cité sur les ondes de Vague FM le week-end. Ah ouais, ouais. Notamment l'émission de Michel Tropico. D'accord. Ben voilà. Donc merci à tous. Salut sa mémoire aussi. J'ai un hommage, et ça c'est réel, c'est Mitsou. Vous rappelez des Mitsou qui étaient sur les grosses radios. Exactement. Voilà, il est parti dans les dom-toms, hein, lui. Hein. Et ben, En Afrique, voilà, c'est ça. Ouais, en Afrique, excuse-moi, je pensais, bon, les dom-toms, l'Afrique, c'est pareil. ouais, c'est pas grave. Mitsou, un grand animateur des années 80, qui lui fait un big up et un rip. Voilà, c'est ce qu'il met. Il est adorable. Ça fait plaisir. Ah. Merci à la présidente de la radio d'avoir pris. Effectivement, ça fait beaucoup de. On a beaucoup de messages et qu'on a essayé d'en transmettre quelques-uns aux enfants de Michel, parce que c'est vrai que c'est égoïste de les garder pour nous, mais c'est plus pour ses enfants que c'est extraordinaire. Moi, personnellement, mercredi matin, j'y serai pour un petit coucou. Moi aussi, j'irai. Malgré qu'on ne pourra peut-être pas être tous, mais de loin, parce qu'il faut qu'on tienne compte malheureusement des distanciations et c'est très important, mais de loin je quitte mon travail et j'y serai. Et ben voilà, on y sera aussi, un petit merci au revoir Michel, merci la bande des femmes du Loiret. On va retrouver Titi puis Dominique pour terminer cette belle émission en direct sur Radio Arc-en-Ciel, et puis un titre des années 80 histoire de se mettre un peu de soleil, ça fait du bien. Voici Reaganite et Jimmy Cliff sur Radio Arc-en-Ciel. Turn on the light, make it shine bright. And listen to this. Jam it. Et là, on pourrait chanter, les amis, à vous. Oh, moi, je suis pas chanteur. Hein. Mais Tiad, vas-y, tu peux, te lâcher. Hein. Ouais. Non, t'es pas trop reggae, toi, Tiad, hein. Non. Oh, tu sais, j'écoute de tout. De tout, mais, ouais, mais pas forcément le, ton style, le reggae. Hein. Non, pas forcément, mais j'aime bien aussi. Normalement, j'ai quelqu'un au téléphone. Allô, qui va là, je te prie. C'était quel animateur qui disait ça? C'était Maurice. Maurice. Qui est avec nous au téléphone? Ah, il y avait une surprise. Mais je crois qu'elle est partie. Mais c'est pas grave, elle va nous rappeler. Elle nous rappelle la surprise. Tiad, alors, la suite, les concerts qui arrivent, peut-être en virtuel, comme tu disais toujours. Non. Alors, j'ai fait un concert. On a vu, avec un une grande chaîne de télé. Enfin, non, avec les musiciens d'une célèbre émission de télé quotidienne. Attends, c'est qui? Balance des noms. Ah bah je peux pas balancer le nom de l'émission parce que bon, c'est une émission, faut retrouver des paroles, donc après c'est simple. Ah ouais. D'accord, vous cherchez les paroles. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais dans l'avenir, une tournée peut-être cet été avec Magali toujours. Ouais. Et puis voilà, des dates à venir, des projets aussi. On espère pour le décembre prochain le cirque aussi. Voilà. On espère aussi. Et puis des on verra. Ça manque la scène, ça manque. Hein. Ouais, ça commence un petit peu. Ça commence un peu beaucoup là. Là, je crois que j'ai envie de faire Gogo Dancer. Je sais pas pourquoi. Ça pique un petit peu. Ça fait marrer. On a une personne au téléphone, normalement. On va la reconnaître. Allô? Non, il y a quelqu'un qui la connaît ici. Bonjour, qui va là, je te prie? Bonjour tout le monde. Dominique. Je tenais à être présente pour rendre hommage à Michel. Bonjour Christelle. Coucou mon copain. Il fut une époque où j'ai été aussi animatrice à Radio 5. Ouais. J'étais le bébé à l'époque. J'étais la plus jeune. Ouais, on te mettait des tartes. Hein. Je rigole. Et Michel était adorable. C'était un vrai papa. Il m'aidait, il me conseillait, c'était un homme adorable. Ouais. Et franchement, il manquera. Ah, il manque à la... Il va manquer, ouais. C'est vrai, hein. Il y a son fils qui nous envoie un petit message, désolé, il pouvait pas être présent, hein. Il sentait pas la force de témoigner au téléphone. On le comprend. Salut Thierry, et puis... On comprend, oui. Ouais. T'as pas une petite anecdote, Christelle, qui traîne là dans les bacs? Une petite anecdote, si... Sur Dominique, hein, c'est pas nous aussi, tu peux balancer des trucs, hein, même un truc un peu cochon, hein. Ça va durer des heures. Non, il y a ma femme qui écoute. Eh, je vais créer un divorce aujourd'hui. Non, je... Sur Michel, ouais. J'ai fêté mes 18 ans en tant qu'animatrice à la radio. Ouais. Et je me souviendrai toujours, il y avait ma feuille de programmation qui était couverte de signatures, de bisous, de choses comme ça. Mmh. Et Michel m'avait marqué, continue, tu pourrais devenir une grande animatrice, sauf que je n'ai pas continué. Je n'ai pas écouté Michel, peut-être que c'était une erreur. Ah, peut-être, on va. Il m'encourageait à continuer et c'était plus beau des compliments. Et moi, à chaque fois que j'avais un invité, il disait à son invité, il va aller loin le petit là. C'était toujours la phrase. Merci Christelle de ce témoignage. Radio 5 Orléans. Bon, c'est vieux, c'est pas tout jeune. Avec Dominique qui est là aussi, Radio 5 Orléans. Moi, je fais aussi un bisou à Benoît. Ah ouais, Benoît, de la bande des femmes du Loiret. Ouais. Au plaisir d'en boire un café ensemble. Bah ouais. Très rapidement, j'espère. Ah, j'espère. Donc pourquoi rapide? Tranquille, hein, on a le temps. Hein. Pourquoi rapide? Oh. L'expresso. Salut Christelle, bonne journée à toi. Merci d'avoir appelé. Bonne émission. Merci. Des souvenirs comme ça, des invités, on pourrait en avoir plein. Hein. C'est vrai, hein, Dominique? Oula, oui. On pourrait en avoir plein des invités. Bon, des invités, et puis bah, c'est vrai que... On pourrait faire une émission de 8 heures avec Michel. Hein. Oui, parce que sa disparition pour nous a été quand même, je dirais... Ah, moi, je suis tombé sur le cul, voilà, hein, excusez-moi. Sur les fesses, pardon. On est tombé sur le popotin. Ouais. Hein, ça m'a tué. Hein. Et c'est vrai que, toi, plus en parler, écouter Benoît qui a fait pas mal de recherches sur la radio. Mais moi, Benoît, je suis fier. La bande des femmes du Loiret, je dis bravo parce que franchement, et je le répète, hein, c'est un des seuls qui a fait un article officiel, entre guillemets, sur Michel, sa carrière. Hein, grâce à toi. Ouais, mais grâce à moi, mais ça, c'est un plan B, ça. Mais fallait le faire, voilà, fallait écrire les mots, fallait trouver les bonnes phrases. Et c'est vrai, quand j'ai lu la page que t'as fait sur Michel, d'ailleurs, la radio l'a reprise. Merci beaucoup, Benoît. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a pas eu un article aussi sur un journal portugais. Ils ont sorti un. Tiens, je voulais le dire aussi, ça. Je sais plus comment il s'appelle, le journal, mais c'est en portugais. J'ai vu passer. C'est écrit en portugais. Bon, j'ai rien compris. J'ai appelé un pote portugais, il m'a traduit. Bon, bah voilà, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que bah il était parti malheureusement vers les étoiles. En Benoît Billard, alors la suite pour toi, c'est quoi? Collection toujours, des projets, d'autres projets qui sont en cours peut-être? Un projet, pour l'instant, je suis avec le CSA pour faire les 40 ans de la bande FM et les 100 ans de la radio cette année. Oh la vache, je suis motivé donc, le mec. Hein. Donc je dois participer aux archives. Ouais. Pour l'instant, j'attends gentiment qu'on suis dans les sartères. Mmh. Qu'on me dise qu'est-ce que je dois faire, puis voilà. Je vais ressortir des archives pour les publier sur leur site. C'est bien. Juste avant de revenir sur toi, mon titi, mon tillade, hein, Bruno, Dominique, j'ai plein de prénoms qui. Non, mais parce que j'ai un Bruno qui. Non, Robert. Non, Robert. Non, j'ai un Bruno qui vient de s'afficher sur mon écran, c'est pour ça, là. Vous savez quoi? Ouais, le Covid Journalique est arrivé, il est tout détendu. Ça y est. Non, je voulais qu'on s'écoute le dernier titre. Il y a un dernier titre. Le dernier titre, ouais. C'est aussi un morceau. Ça aurait fait plaisir à Michel, c'est ce que je suis dit. Ah, je pense, oui, que ça aurait été un morceau qui aurait fait plaisir à Michel. C'est pas du Musette non plus. Non. Mais c'est toujours un morceau de Clifton Chenier, Squeeze Box Boogie. Okay, on l'écoute sur Radio Arc-en-Ciel. J'ai dit sur Radio 5. Non, c'est pas Radio 5. On l'écoute et puis on se retrouve après avec toi, Dominique. Et puis on va parler de Tillade. Hein, et puis on vous dira au revoir, les amis. Hein, merci d'avoir participé à cet hommage à Michel. On aurait aimé avoir son fils. On écoute du Boogie Boogie. Michel l'aurait aimé. Je le vois bien danser là-dessus, Mimich. Non, ben, rigolez pas, les mecs, sérieux, je déconne pas, attends. Il aurait loin. Dominique, merci d'avoir témoigné aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Michel. C'est ce que je voulais, faire une émission spéciale pour lui. Merci, Franck, de m'avoir invité. Quand tu veux, hein. D'ailleurs, on avait dit on ferait une émission tous les deux, si tu entends, oui. Rockabilly, Rock'n'Roll, ce serait pas mal, ça. Ça serait pas, hein. Une idée. Voilà, une idée. Une bonne idée. Et ben, juste avant de partir, je vais saluer mes deux co-invités à Tillade que je ne connaissais pas. Ah voilà, tu vois, tu découvres la musique que j'ai découvert. Non, je ne connaissais pas du tout. Que j'ai découvert. Bon, c'est pas le monde du rock and roll là. Non, mais c'est de la musique, c'est de la chanson. C'est autre chose. C'est autre chose et tout s'écoute, tout s'apprend. Et la musique, c'est pas que le rock'n'roll. Mais donc, un jour, il nous fera un morceau de rock'n'roll. La musique, ouais, c'est universel, peut-être. En même voilà, temps, c'est universel. C'est style, mais c'est universel, quoi. Remercier aussi Benoît, il y a un petit bout de temps que j'avais pas vu. Ah, remercier Benoît. Franck de m'avoir invité, m'avoir donné la libre antenne. Ouais, tu veux, hein, nous on est là. Et puis, aussi un dernier petit message à la famille, aux enfants, à la femme. À Michel. Repose en paix, Michel. Ouais. Mais un dernier mot. Alors, si tu devais avoir une pensée pour lui, il nous regarde, tu sais qu'il nous regarde là. Regarde, Mimich, il me dit, il me fait des signes. C'est des signes? Tu lui dirais quoi là? Continue le panneau à bretelles. Merci Dominique Lagadec, ancien animateur radio sur Radio 5 Orléans à l'époque dans les années 80, fin 80. Hein, ouais, ça date. Hein. Benoît Billard. Oui. Bah merci, la bande FM du Loiret. Ça m'a fait plaisir de passer quelques minutes. De même, je suis pas passé avec le Covid. Bah ouais, c'est pas facile. Hein, mais bon. C'est pas facile. Alors on a fait une exception aujourd'hui, hein, spécial Michel, hein, fallait qu'on parle de lui. Hein. Et moi je suis heureux d'avoir vu Dom derrière un micro, c'était mon rêve. Ouais, longtemps que tu l'as fait. Tu peux revenir à la radio, c'était mon rêve. Tu vas vas pouvoir écrire un, deux, trois trucs encore. Hein. Et puis juste avant de retrouver Titi, Tiane, on va s'écouter un petit son des années 90. Tiens, ça j'aime bien. L'Alliance Ethnique, vous connaissez ça? Ouais, oui. Dominique, non? Pas trop? Non, non, pas trop lui. Mais dis, elle est connue. Et puis Benoît aussi. Hein. Ça, ça fait danser dans les années 90. Hein. Cartonné. L'Alliance Ethnique, et on trouve Titi. Était bien temps, c'est un élément déterminant, mais non, mais non, mais non, mais non, non, non, mais non, mais non, non, où vous pensez, ah, où vous savez, ah, mais peu importe, vous demeurez dans cet état où l'esthétique demeure à vos portes. Stop, je vise le naturel, détruis l'artificiel, ce point de vue reste personnel, en d'autres termes, celui de qu'un point, mais le ciel, dire que certains ignorent les bienfaits de leur propre personnalité, mais vaut rire, la spontanéité reste mon propre point de mire, pire, pire, pire, ce dont la langue, dans notre activité, que de sa dans le vent, non, si, oh, oui, c'est la même gelée, non, ouais, non, non, non, non, même pas. Simple funky, simple funky, simple funky, let's keep funky, simple funky, simple funky, let's keep funky, simple funky, simple funky, simple funky, let's keep funky, simple funky, simple funky, let's keep funky. Et je chute de bien haut en apprenant que sur nous circulent des propos compromettants. Compromettant, à partir du moment où, personnellement, je m'intéresse aux ragots d'enfants. Mis à part que dans ce cas, les enfants paraissent bien grands, grands. Pour ce genre, le mot est glorifiant. Chant, ils le sont la plupart du temps. Intelligents, ils le seront quand ils cesseront. Leur tromperie attire la rigo. Go, go, eh, go, oh, oh, go, zéro. Tous ces gigolos, zigoto, rigolo, n'amour zéro. Ne méritent aucune estime, ils ne méritent que la peine poteau. Et oh, la dose est-elle au niveau où nous bons la dose au sèche chaud. Le cerveau, ça vibre de stéréo. Les cordes vocales au déniveau, le flow, les mots se mêlent en VO. Ok, voilà le groupe en démo. Simple funky, simple funky, simple funky, let's keep funky. Simple funky, simple funky, let's keep funky. Simple funky, simple funky, simple funky, let's keep funky. Simple funky, simple funky, let's keep funky. La pétard est là, l'original s'adresse aux adeptes du funk, aux adeptes du rap, aux adeptes de Mace, aux adeptes de Pumba, et ceux pour qui les restoirs ont un profil de combat, se rendre en soirée, en oubliant l'objectif premier, c'est d'avoir du non-respect, pour les danseurs en effet, car il faut que la fête reste dans les têtes. Et me voilà, dans un état plus que serein, une fois n'est pas coutume à moi de corriger le matin, tous les matins au champ du soin, soin, le remerciement va le soi, c'est pour qui, c'est pour quoi, c'est pour toi, c'est pour lui, c'est pour ça, muchas gracias, merci, la langue reçue, est dans le cul, mais l'esprit de mauvais cul, où est l'utilité de prêter attention à de tels individus, vous le savez où, vous l'avez su, vous le savez où, vous l'avez su, le tout est de tirer profit de telle expérience, et par chance, de ne plus côtoyer à nouveau le fruit de tes semences, c'est la raison pour laquelle nous sont tellement funky, ça, funky. Moi, je chante parce que moi, c'est mon époque, ça. Dominique, bon, si c'est pas Eddie Mitchell. Well, that's alright, mama. That's alright for you. Ah, yeah. Rock'n'roll à fond. Mes invités aujourd'hui, bah, je suis vraiment content et on va se quitter tous ensemble. Juste avant d'écouter Tiad. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ah ouais, comme on est en mode Covid, comme ça tout le monde peut rentrer tranquillement avant 18h, je vous rappelle le couvre-feu. Hein. Titi, donc pendant le, c'était le premier confinement, je crois. Hein, c'est ça. Tu croyais en quoi à cette époque-là? Ah, pendant le premier confinement, ouais. J'avais très envie qu'on en sorte. Ouais, comme tout le monde. Hein. Non, non, pas moi, ouais, j'étais chez moi, j'étais bien pédard. J'avais très envie. Non, par contre, moi, je rigole. Au début, je rigolais un petit peu. Moi, personnellement, je dis bon, dans un mois, c'est bon, hein, on revient. Bah, je crois qu'on s'est tous dit ça en fait. Quoi. Là, j'ai mal au bide. Hein, là, on rigole plus là. Ouais. Là, j'ai plus envie de rigoler. Hein. Non, là, j'ai plus envie. Mais c'est comme ça. Ouais, tu parles. Oublie pas de nous laisser le casque, hein, parce qu'il se barre avec le casque, Dominique. Non, il est éternué. Tu as écrit un titre qui s'appelle Croix. Ah oui, il y a un petit moment déjà. Ouais, oui. Ouais. Ouais, mais on aime bien. Ce ah ben, elle est intemporelle celle-là. Hein. Mmh. C'est au niveau des paroles, je pense qu'on est en plein dedans là. Là, tu crois qu'on est en plein dedans? Ouais, je crois. On s'écoute alors. En tout cas, elle fait du bien en général, mais bon, voilà. Bon, on s'écoute Croix, Kylian, ouais. Et puis on se fait un petit revanche derrière. Ok. Mes amis, pour qui tout est beau, moral au plus haut. l'histoire, tu as la chance de le pouvoir. Fais-le au moins pour ceux qui croient à ton avenir ou bien à tes choix. De tes faiblesses nourris-toi et de tes erreurs inspire-toi. C'est toi qui traces ton chemin. Tiade. Bravo Tiade, on peut l'applaudir. Merci. Ah, ça fait du bien. Tiens, regarde, un concert en direct de la radio, ça fait plaisir. Quand on s'habille, on y croit. Le prochain live, Tiade, c'est quand? En streaming ou quelque chose est prévu Pour l'instant, il n'y a pas de prochain. on verra. Non, non, mais à la radio, dans les Apple Jet à la radio. Écoute, moi je te propose en direct là, de faire un live à la radio un lundi ou un mardi. Choisis ton prochain. Mais quand tu veux. Tu veux quand? Tu choisis. Mais quand tu veux. Un lundi, t'es prêt? Un lundi ou un mardi, moi je te suis. Si tu veux, on monte ça, il n'y a pas de problème. Eh ben, on se monte ça, on va tout bien préparer. Un petit Apple Jet, mais ça peut être sympa. Ouais, on va faire bien des Los Angeles et tout ça aussi. Alors, j'ai des messages. Il y a Danny Duc qui dit salut mon pote, poteau Michel, big up à toi. Et puis un animateur radio qu'on connaît, Radio Latina Paris, c'est Mario. Salut l'artiste, voilà. Fait plaisir de voir des FM qui sont comme ça soudés, hein. Et comme je vous le disais, t'es en Mitsu aussi, hein, la radio Ex Énergie qui a fait un petit message aussi pour Michel. Voilà, RIP Michel. Tia, donc, on va s'organiser ça, Titi. Quand tu veux. Hein, Dominique. Avec plaisir. Nous, on va se préparer une petite émission rockabilly, rock'n'roll, tout ce que t'aimes, hein, avec la Harley Davidson dans les studios, hein. On va faire des. C'est un peu difficile à monter, mais bon. C'est quoi des burn-out? Non, comment ça se dit, des burn? Des burn-out? Non, je peux pas ça, mec. Non, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Non, ouais. Je connais rien en moto, j'allais dire des burn-out. Non, c'est pas ça le burn-out. C'est moi qui dois faire un burn-out. Il est fatigué, le Franck. Elle prend une drôle de tournure, l'émission, là. Un Shogo Godancer qui va démarrer en 3 minutes avec. En plus, il est beau gosse. Attends, il est gaulé, hein, le sportif, là. Il faut le voir. Il est musclé, le mec, hein. Il y a un paquet de muscles. Merci, la bande FM du Loiret. Toi, on peut te retrouver sur le net. Hein, la bande FM du Loiret, pour les fans, allez voir la collection. Mais c'est Affiche Radio pour la collection. Voilà, Affiche Radio, mais aussi pour la bande FM. La bande FM pour l'historique des radios du Loiret. Ouais, dont Radio 5. Dont Radio 5 Orléans, voilà. Comme ça, tu pourras mettre une petite photo des deux vieux de Radio 5. Hein. On aurait pu inviter la vieille aussi, Christelle. Elle nous écoute. C'est gentil, ce que je dis. Attention, moi, je suis pas un mec méchant. Hein. Non. Eh ben, Titi, on se prépare ce petit live. Avec plaisir. Merci à vous d'être venu pour faire ce petit hommage aujourd'hui. Merci à toi surtout. À Michel, voilà. Je voulais saluer son fiston qui nous écoute, Thierry. Voilà. On pense à toi, Michel. C'est vrai que lundi, ça sera plus pareil quand on va venir à la radio. Hein. Moi, je le regardais tout le temps. Voilà. Salut Michel, salut l'artiste. Salut la bande FM. Bisous la famille. Bisous. Et on s'écoute un petit truc qui s'appelle Together Again, Janet Jackson. C'est bien ça, c'est tranquille. Hein. Allez Michel, si tu nous regardes, c'est pour toi. On l'embrasse bien fort. Salut les biches. There are times when I feel sur Job avec Francky l'après-midi. Arc-en-Ciel, 17h11, minutes, un peu de soleil dans le cœur, ça fait du bien. Si vous sortez du bureau là, peut-être que vous bossez, ou alors vous êtes en mode vacances, vacances scolaires aussi, et bien passez de très très bonnes vacances. Michel, il adorait Jean-Jacques Goldman. Alors Julie, il est dédicacé ce titre que j'adore et j'affectionne aussi. Un titre qui est pas forcément connu de tous, mais Michel l'adorait. Voici Jean-Jacques Goldman et Fermez les yeux. C'est pour Michel là-haut. Salut Michel. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel